Deuxième grand prosateur, Bossuet. Prêtre catholique, il finira comme évêque de Meaux. Il commença très tôt à prêcher, et les textes que vous entendrez ci-après devraient vous donner une idée de ses qualités d'orateur. Ses discours ont été composés entre 1657 et 1667, donc sous Louis XIV, roi catholique, monarque absolu de droit divin. Premier texte, l'éloquence de saint Paul. Extrait du panégyrique de saint Paul, panégyrique signifiant « éloge ». N'attendez donc pas de l'apôtre, ni qu'il vienne flatter les oreilles par des cadences harmonieuses, ni qu'il vaille charmer les esprits par de vaines curiosités. Écoutez ce qu'il dit lui-même. « Nous prêchons une sagesse cachée. Nous prêchons un Dieu crucifié. Ne cherchons pas de vains ornements à ce Dieu qui rejette tout l'éclat du monde. Si notre simplicité déplaît aux orgueilleux, qu'ils sachent que nous voulons leur déplaire, que Jésus-Christ dédaigne leur faste insolent et qu'il ne veut être connu que des humbles. Abaissons-nous donc à ces humbles, faisons-leur des prédications dont la bassesse tienne quelque chose de l'humiliation de la croix et qui soit digne de ce Dieu qui ne veut vaincre que par la faiblesse. »